Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la mort tragique du navigateur montréalais Jerry Roof en 1997. On se prépare depuis très longtemps à faire cette course-là. C'est inspirant. Ça grandit en soi au bout de 3 ans. Partir 2 jours en mer tout seul, ou 2 semaines, ou 2 mois, pour moi, c'est pareil. D'autant plus que si on est dans les meneurs de la flotte, le temps passe très vite. Nos journées sont très occupées. Et puis à partir du moment où on adore ça, c'est le meilleur des mondes. Jerry Roof à l'émission Hebdo Sport du 3 novembre 1996, le jour du départ au Sable d'Olonne de la mythique course du Vendée Globe. Jerry Roof ne va pas survivre à cette épreuve qui l'attend lors de cette 3e édition du Vendée Globe. Il sera emporté en mer par le mauvais temps le 6 janvier 1997, alors qu'il est en 2e position à mi-chemin entre le Chili et la Nouvelle-Zélande. Il envoie un message aux organisateurs de la course en leur disant, et je cite, que les vagues ne sont plus des vagues, elles sont hautes comme les Alpes. Le lendemain, le 7 janvier 1997, les organisateurs de la course, justement, perdent définitivement sa trace. Pensez à maman beaucoup, discutez avec elle souvent, cette figure de courage. Pour moi, ma mère est une héroïne. Je peux dire aujourd'hui que je suis allée vraiment jusqu'au bout. Oui. Oui. Ça m'a pris 23 ans. Mais je l'ai fait. L'aube tarde. Where are you, Jerry Rose? C'est ce que je dis à ma fille. Je dis, de toute façon, je ne changerai pas de vie pour celle de personne d'autre. C'est notre vie. C'est à nous, ça. C'est ça, notre vie. Le crépuscule grelotte et grince. Le temps est long et lent. On aimerait que ça ne soit pas arrivé, évidemment. Ni répit, ni éclaircie. Mais il est toujours avec nous, d'une certaine manière. L'aube tarde. Where are you, Jerry Roof? Toujours vivant? Il existe toujours. C'est un souvenir vivant encore, oui. L'aube tarde. L'aube tarde. Attends-moi. Extrait du documentaire de Jérôme Voyer-Poirier et de Robert Frozy, Jerry Roof, toujours vivant. Vous y entendiez la veuve et la fille de Jerry Roof, de même que la très belle chanson L'aube tarde de Jim Corcoran. Pour nous rappeler ce tragique épisode du naufrage en mer de Jerry Roof en janvier 1997, je retrouve justement mon collègue Robert Frozy. Robert Frozy, bonjour. Bonjour. Certains de nos auditeurs, Robert, j'en suis sûr, se souviennent encore très, très bien de cette disparition en mer, cette tragédie. Ça remonte à janvier 1997. Vous avez très récemment consacré un documentaire à cette histoire-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce documentaire, Robert? Ben écoutez, ça fait longtemps que je suis l'histoire, je suis le Vendée Globe et j'ai suivi ce triste Vendée Globe de 96. Et en même temps, à chaque fois, je me demandais comment une femme et une fille qui avaient 8 ans à l'époque pouvaient faire leur deuil. Mmh. Et finalement, je me suis dit, comme le Vendée Globe, vous savez, c'est une édition qui part tous les 4 ans. On savait qu'elle allait partir en novembre de 2020. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est le moment? Est-ce que, après toutes les tentatives, est-ce que Michel, sa femme, et est-ce que Emma serait d'accord pour raconter leur histoire, raconter comment elles ont vécu, comment elles vivaient avec un marin, et aussi comment est-ce qu'elles ont réussi aujourd'hui, 23 ans plus tard, à faire leur deuil l'une et l'autre, et comment elles l'ont fait. Donc c'était un petit peu ma quête, et finalement elles ont été toutes les deux d'une générosité incroyable, et puis malgré la pandémie, on a quand même réussi à faire un merveilleux documentaire avec Jérôme Voyer-Poirier. Pour ce qui est de cette histoire-là, commençons par le principal protagoniste, Robert, Jerry Roof. Dites-nous, rappelez-nous qui il était, où il en était également dans sa carrière, dans sa vie, au moment où il se lance dans cette aventure du Vendée Globe de 96-97. Ben, alors c'est curieux, Jacques, mais il y a des gens qui ne savaient pas ou qui ne savent, ben, qui l'ont su peut-être quand on a diffusé le documentaire, que Jerry Roof effectivement était Montréalais. Ouais. Il est né en 53 à Montréal. Il a vécu à Hudson et c'est là que, à partir de 6 ans, il va fréquenter le premier club nautique et il va donc faire ses études au collège Stanislas, à Jean de Brébeuf à Montréal. Et puis il va devenir avocat puisqu'il va faire ses cours de droit à l'université de Montréal. Il va même travailler au célèbre Café Campus, que vous devez connaître. Ouais. Il adorait la musique. Et en 85, il va définitivement en fait choisir sa passion. Mais il faut dire qu'avant, il a été membre de l'équipe de voile du Canada. Et ensuite, eh bien, petit à petit, il a commencé des courses transatlantiques avec notamment le skipper Mike Birch. Et donc, de fil en aiguille, il a commencé à gagner des courses de plus en plus importantes. Et puis, jusqu'à arriver à la course ultime pour tous les marins, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'Everest des mers, le Vendée Globe. Oui. Mais parlez-nous-en de ce que ça représente, justement, pour les marins, ce Vendée Globe, et de ce qui pousse cette année-là, donc Jerry Roof, en 96, à se lancer dans cette aventure-là. Le Vendée Globe, pour vous résumer tout ça, c'est un petit peu pour un alpiniste d'aller sur l'Everest. C'est-à-dire, ouais, c'est la plus haute montagne du monde. Eh bien, c'est la course la plus impitoyable du monde, puisqu'elle est sans assistance, elle est autour du monde et sans escale, en solitaire. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup pour un seul homme. En même temps, ce que les gens ne savent pas, ce qu'on n'a pas mis dans le documentaire, puisque ce n'était pas l'angle qu'on avait choisi, mais que Jerry Roof n'est pas parti dans toutes les dispositions... dans toutes les meilleures dispositions. Pas que c'était pas tout à fait le bateau qu'il voulait, il était en chicane permanente avec son commanditaire. Son commanditaire voulait même le licencier. Et donc, l'état mental n'était pas là. Et ça, effectivement, sa veuve nous l'a raconté, document à l'appui, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand on part dans une course comme celle-là, autant on doit avoir un bon bateau, autant on doit être un bon navigateur. Mais tout le monde vous dira que le mental, c'est ce qui va faire la différence. Et on le voit même dans l'édition qui a lieu en ce moment, qui va arriver. On sait que le mental, c'est ce qui va vous garder vivant, parce qu'il y a le manque de sommeil, il y a le bruit qui est omniprésent, c'est un bruit avec des décibels qui sont absolument effrayants, qui vous empêchent de dormir. C'est la nourriture aussi, et puis ce sont les éléments qui sont déchaînés et qui sont de plus en plus déchaînés. Donc c'est tout ça auquel le navigateur doit faire face, et Jerry Roof, ce que nous a confié sa veuve, c'est qu'il n'était pas prêt à partir dans cette course. Et elle le savait. De fait, et ça on l'entend dans votre documentaire, sa veuve, sa fille, lui demande de ne pas partir. Oui, et c'est sa fille qui, à un moment donné, lui en veut d'ailleurs, elle nous l'avoue, elle dit « j'ai pas compris pourquoi il avait choisi sa passion avant de choisir sa famille ». Et puis petit à petit, plus le documentaire avance, plus elle se confie, plus elle comprend cette passion, même si ce n'est pas la sienne, même si elle la partage pas. Mais vous savez, on voulait aussi, au travers de ce documentaire, voir comment on vit avec un papa marin, comment on vit avec un mari marin. Mmh. Et c'est pas évident, ce que nous racontait Michel, c'est qu'il prenait autant de temps à revenir sur terre qu'il passait en mer en course, et il se réveillait la nuit ou même pendant des cauchemars, il demandait à sa femme de choquer la voile, par exemple. C'est quand même assez incroyable, quoi. C'est quelqu'un qui continue à vivre même sur terre sa passion. Ouais. Et il est évidemment, il connaît bien la mer, il connaît bien les risques du métier. Comment il entrevoit cette aventure-là et ces risques-là, Robert? Je pense que, écoutez, pour avoir parlé à beaucoup de navigateurs qui ont fait, entre autres, le Vendée Globe, on part pas... Bien sûr que la peur est là, bien sûr que le risque est là, mais ce sont des gens qui sont pragmatiques, qui savent qu'il y a un élément en face d'eux, qu'ils ne combattent pas l'élément, ils vont devoir composer avec. On va devoir respecter aussi l'élément. Alors, on va tout faire. C'est-à-dire, quand je vous dis pragmatique, c'est de tout vérifier dans son bateau jusqu'au moindre détail. C'est de prendre la bonne décision au bon moment. C'est de choisir ses trajectoires et puis de savoir qu'à un moment donné, ben, on va rentrer effectivement dans l'enfer. Comment essayer de l'éviter, comment... et tout cela, c'est avec le millième de seconde, des fois, de la décision qu'il faut prendre. Alors, non, les navigateurs partent parce que c'est fascinant, parce que d'abord, c'est leur métier, mais ensuite, écoutez, comment voulez-vous retenir quelqu'un qui a navigué sur toutes les mers, ne pas aller dans ce défi ultime qu'est le Vendée Globe? Oui, et c'est le 3 novembre 96 que ça commence, tout ça qui est donné le coup de départ de cette troisième édition du Vendée Globe. On écoute Jerry Roof parler du départ tumultueux de sa course en novembre 96, justement. Le début de la course a été assez musclé. On s'est pris une tempête d'entrée de jeu la première nuit après le départ. J'ai pas trop voulu appuyer sur le bateau parce que bon, la route est très très longue. Il reste plus de 20 000 milles encore à faire. Donc j'ai, on peut dire, pris un peu mon temps. Malheureusement, j'ai pris une option un peu trop dans l'ouest par rapport à un tronc que je voulais négocier. Et c'est là-dessus que j'ai perdu beaucoup par rapport aux meneurs de la course, mais qui sont pas vraiment très très loin. Et puis en plus, il y a plusieurs bateaux, je dirais, jusqu'à la troisième place, qui sont vraiment pas très loin de moi, là. Donc, le coup de départ du Vendée de l'Aube est donné le 3 novembre 1996. Robert Frozy, un petit mot avant de revenir à la trajectoire et au voyage que va faire Jerry Roof lors de ce Vendée de l'Aube. Un petit mot sur les coureurs qui participent à cette troisième édition. Qui sont-ils? Qui sont les favoris, de fait, dans cette course du Vendée de l'Aube cette année-là? Ben, c'est cruel de dire qui sont les favoris parce que, vous savez, tout peut tellement changer, je dirais presque d'une minute à l'autre et on le voit dans l'édition de cette année encore plus, mais c'est sûr qu'il y avait des gens comme Bullimore, comme Dinelli, comme Dubois, et j'en passe, qui étaient des favoris, et d'ailleurs, je vous en ai cité trois, et c'était les trois qu'on a dû secourir. Donc vous voyez que tout peut arriver dans une course comme celle-là, comme dans la plupart des courses, à part que celle-là, ben, elle est en solitaire et sans assistance, et que si on doit aller réparer, ça veut dire qu'on accoste, et ça veut dire que la course est terminée, et c'est arrivé à quelques-uns encore cette année. Tout le monde ne finit pas cette course, je dirais que c'est pour ça qu'elle est impitoyable. Donc, dans cette course, oui, il y avait des favoris, mais comme je vous dis, il n'y a personne qui se prête au jeu de dire, un tel ou un tel va gagner, parce que personne ne le sait à l'avance, parce que effectivement, tout peut tellement arriver. Écoutez, il y a des gens qui ont eu des ennuis quelques heures seulement avant le départ de la course et qui ont dû revenir faire marche arrière. Ça, on a le droit de le faire au tout départ de la course si on n'a pas dépassé un certain kilométrage. Donc, vous voyez, c'est assez impossible, en fait, de dire qui aurait pu arriver premier de cette course. Est-ce que Jerry Roof lui-même était, malgré tout ce que vous venez de nous dire, était considéré comme dans le peloton de tête au départ? Oui, je veux. Au mois de janvier 97, avant qu'il ne cesse d'émettre, il était quand même deuxième. C'est un sacré navigateur. Il partait pour la gagne, Jerry Roof. Là, il partait pas pour rester derrière. Il partait vraiment pour gagner ce Vendée Globe. Et des fois, je vous dirais que certains navigateurs l'ont dit, des fois, la volonté est tellement forte de gagner que c'est là qu'on peut peut-être faire des erreurs. Je le dis pas dans le cas de Jerry Roof. J'en ai aucune espèce d'idée. Et bien malin, celui qui pourrait dire ce qui s'est passé dans ce bateau et quand il disait que les vagues, c'était les Alpes. C'est vrai que ça reste un très, très, très grand navigateur. Ouais. Et vous le disiez, il parle de ces vagues qui sont comme les Alpes. Les conditions de cette édition 96-97 sont particulièrement difficiles. Ils sont en mer, et à la fin décembre, fin décembre 96, ils sont en mer depuis à peu près quoi, 2 mois, les coureurs de ce Vendée de l'Aube. Et à ce moment-là, vraiment, la mer se déchaîne. Entre Noël et la première semaine de janvier, on assiste à 3 sauvetages de concurrents de la course qui sont en danger de mort. On va parler de ces conditions météo dans un instant. Robert Frozy, on écoute d'abord à nouveau un extrait de votre documentaire Jerry Roof, toujours vivant. La tempête s'abat sur Goss et Dinelli, avec des vagues de plus de 18 mètres de haut. Dans la nuit, on a eu cette balise à Goss qui s'est mise en position détresse. À Pete Goss, je lui ai dit Raphaël Dinelli est en détresse, voilà sa position, peux-tu aller le chercher? Un avion de recherche Orion P3 décolle de Perth en Australie. Il est à plus de 3200 km de vol de la position de Dinelli. Cette tache blanche sur l'eau, c'est Raphaël Dinelli qui est debout sur le pont d'un bateau qui coule. Les sauveteurs australiens viennent de lui larguer un radeau de survie. Pendant ce temps, il y a Pete Goss, concurrent du Vendée Globe, qui fait route vers lui dans une tempête effroyable et voilà qui le récupère. Quand Pete Goss a hissé Dinelli sur son bateau, ça a été une joie extraordinaire. Les secours australiens élitreuillent le français Thierry Dubois, qui avait pris place dans un canot de survie. Au large de l'océan Indien, dans le froid et la tempête, l'anglais Bullimore, après 4 jours et 4 nuits, attendait, reclus à l'intérieur de son bateau qui avait chaviré. Une frégate de la marine australienne le récupère sain et sauf. Donc, racontez-nous cette folie qu'a été cette édition 96-97 du Vendée de l'Aube, Robert Frozy. C'est sans doute, Jacques, une des plus terribles. Quand on regarde ne serait-ce que l'édition actuelle, vous avez vu comme la plupart des gens qui suivent la course, ce sauvetage miraculeux de Kevin Escoffier par Jean Le Cam, ils sont en pleine nuit, il est quasiment perdu, et puis finalement, Jean Le Cam arrive à le retrouver, et puis il va devoir quitter son radeau de survie. Ça faisait 11 heures que Escoffier était dans son radeau, il va devoir se jeter à l'eau. C'est pénible, hein, de s'accrocher en pleine tempête. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour Dinelli. Bulimore est resté 4 jours enfermé, sans pouvoir communiquer, etc. Et puis en plus, dans des conditions, la mer n'est pas calme, c'est des conditions qui sont dramatiques à chaque fois, et ce sont des sauvetages qui sont assez périlleux à chaque fois, et on demande, pour ceux qui ne le savent pas, on demande, eh bien, quand il arrive des choses comme ça, à certains marins qui participent à la course, de se détourner, comme ça a été le cas donc, dans l'édition actuelle, mais comme ça a été le cas dans l'édition de 96-97, quand on a demandé à Pete Goss, qui était celui qui était le plus près de Dinelli, de se dérouter pour lui porter secours. Alors, c'est quand même assez... il y a cette solidarité humaine. Vous savez que dans le cas de Jerry Roof, eh bien, on va demander à Isabelle Autissier de se dérouter, puis ensuite de revenir tellement la mer était horrible. Et d'ailleurs, il y a eu des erreurs de la part du PC Course. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais Philippe Gentot a beaucoup erré. Le directeur de la course du Vendée Globe 96-97 a beaucoup erré. Je pense même... on se demande même si, avec le recul, c'était l'homme de la situation. Ouais. Puis on va revenir effectivement à cet épisode assez tragique où Isabelle Autissier part à la recherche de Jerry Roof. Mais juste un petit mot d'abord, Robert, pour nous dire où il est, Jerry Roof, au moment où il envoie sa dernière communication. Le 7 janvier 1997, on perd sa trace. Où est-il à ce moment-là? Il est dans le Pacifique Sud et évidemment, il est dans une tourmente absolument monumentale. Je me demande même si lui-même avait réalisé qu'il s'en allait dans l'enfer, quoi. Je veux dire, parce que c'était... écoutez, quand on voit des creux... les Alpes, là, pour donner une image aux gens, c'est 8 étages de creux, 8 étages d'un immeuble. Alors imaginez votre bateau qui est une espèce de coquille de noix, là, qui descend pendant 8 étages et qui tente de remonter sans se briser. Ouais. Parce que ça arrive que le bateau brise en deux. C'est arrivé dans l'édition, dans l'édition actuelle avec Kevin Escoffier. Donc c'est ça la réalité dans le Pacifique Sud. Et puis il n'y avait pas non plus les qualités, si vous voulez, qu'ont les bateaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut communiquer, si vous voulez, on peut envoyer des balises de détresse à l'intérieur de la coque, alors que là il y avait des coques en carbone. On pouvait pas non plus être directement sur les satellites. Fallait sortir pour pouvoir communiquer directement et envoyer sa balise de détresse. Alors a-t-il eu le temps? A-t-il été frappé? Était-il inconscient? Enfin, il y a tellement de questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Ouais. Et puis, celle qui va tout faire, mais en sachant très bien que ce qu'elle peut faire est très limité, c'est la navigatrice française Isabelle Autissier, qui est la plus proche de Jerry Roof au moment où il disparaît en mer. On l'écoute justement, Isabelle Autissier, raconter au printemps 1997 les moments d'angoisse qu'elle a vécu quelques mois plus tôt quand elle part à la recherche de son collègue et ami Jerry Roof en janvier 1997. J'ai vécu tout près de Jerry une tempête comme j'en ai jamais vécu, je crois, qui était absolument effrayante. Moi, j'ai chaviré 6 fois. J'ai mis 2 fois la tête de mât du bateau sous l'eau. Jerry a disparu au cours de cette tempête. Et les 2 jours qui ont suivi, où donc je suis restée sur la zone avec le vent qui était quand même encore assez fort, aux alentours de 50 nœuds au début, puis qui a baissé un peu après. C'est abominable d'essayer de rechercher quelqu'un dont on ne sait pas où il est, dans cette espèce d'immense univers gris où il ne fait pas beau, où il y a du brouillard, on n'a pas de visibilité, il fait froid. À la fois on imagine peut-être ce qu'il est en train de vivre lui, on imagine le bateau à l'envers, on imagine tout en fait et peut-être n'importe quoi. On se sent impuissant complètement, on est là, on a l'impression de errer sur l'océan en scrutant la brume pour peut-être apercevoir une coque. Et c'est vrai que c'est une angoisse terrible. Jerry, c'est quelqu'un que je connaissais bien, avec qui j'avais navigué. Donc c'est vrai que c'est des jours absolument abominables. Bon, en plus, j'étais très très fatiguée, le bateau avait des problèmes et ça rajoutait à l'angoisse. Mais Mais c'est vrai que c'était les jours les plus terribles que j'ai vécu. Alors, racontez-nous cet épisode terrible, Robert Foisy, quand Isabelle Autissier part, tente de retrouver Jerry Roof dans les jours suivant sa disparition. Oui, et alors, là où je vous parlais de Philippe Gentot, le directeur de la course, c'est que lui va peut-être paniquer un petit peu en demandant à Isabelle de se retirer, de sortir de là, etc., que c'est plus possible. Mais on en a oublié aussi plein de choses, c'est-à-dire de prendre certaines mesures, de voir si... de localiser, en fait, d'aider un peu, si vous voulez, ensuite aux recherches pour savoir où est-ce qu'elle était exactement la dernière fois qu'elle était si proche, peut-être, de Jerry, etc. Il y a eu beaucoup de confusion, beaucoup de confusion. Bon, évidemment, je vous le disais, on n'a pas les mêmes moyens de sauvetage qu'on a aujourd'hui, mais tout de même, il y a eu, avec le recul, il y a eu beaucoup de confusion. On sait tout le travail, par exemple, qu'a fait Michel Cartier, la femme de Jerry Roof, pour essayer de le retrouver. Écoutez, que ça soit avec l'Agence spatiale canadienne, les gens le savent peut-être pas aussi, mais Chris Hadfield, qui était dans la navette Mir Shuttle, eh bien, a essayé d'aider aussi éventuellement, même sans réussite. Mais vous voyez, on a tout fait en fait pour essayer de rajouter des moyens supplémentaires qui n'étaient pas à la disposition de la course. Ouais. Et puis peut-être que le directeur de la course a pas vu les choses de la même manière qu'une femme qui recherche son mari perdu en mer. Ouais, puis d'ailleurs, je l'entendais, sa veuve, en préparant l'émission, on peut pas tout présenter, mais dire, à un moment donné, ils nous ont lâchés. Elle a ce sentiment que l'organisation de la course les a lâchés, alors qu'elle ne veut pas abandonner tout de suite. Elle continue d'y croire, on va tenter de le retrouver. De fait, on ne retrouvera jamais, Robert, on termine là-dessus. Tout ce qu'on va retrouver de Jerry Roof, et pas tout de suite d'ailleurs, c'est une partie de son bateau. Complètement. Et en août 98, on va retrouver un morceau de l'épave au large du Chili, à Punta Arenas, qui est un des endroits les plus reculés en fait de la côte chilienne, et qui va d'ailleurs devenir aussi un des éléments importants du deuil de Emma, sa fille qui n'avait que 8 ans à l'époque, qui est partie en 98 faire un documentaire justement à Atalaya, c'est là où ça se trouve, pour peut-être se rapprocher de son père. Un peu comme se dire c'était sa dernière sépulture, même s'il y a une sépulture ici au cimetière Côte des Neiges de Jerry Roof, avec un petit morceau de la coque de son bateau incrusté sur la stèle. Donc voilà, oui, on ne retrouvera jamais son corps, effectivement. Ouais. Robert Foisy, journaliste au sport à Radio-Canada, qui, avec Jérôme Voyer-Poirier, vient de nous donner ce très beau documentaire, Jerry Roof, toujours vivant. Merci beaucoup, Robert. Merci à vous, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.